Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons en ce lundi matin notre étude de l'évangile de Matthieu. Nous sommes à l'avant-dernier chapitre. Nous allons voir les moments sombres, dans le sens qu'on va voir la mort de Jésus, et la semaine prochaine, on va voir la lumière, dans le sens qu'on va voir la résurrection de Jésus. Notre bon Père du ciel, merci que tu nous accordes ta grâce. Oui, il y a un chant qui dit que ta grâce est infinie, et c'est donc vrai. C'est donc vrai. Merci de nous avoir fait comprendre par ton Esprit Saint que Jésus est le roi qui devait venir, que le royaume qu'il a établi, c'était le royaume prédit dans l'Ancien Testament. Des milliards de gens ont rejeté ce genre de roi et ce genre de royaume. Nous reconnaissons que si nous l'avons accepté, c'est à cause de l'œuvre que tu as fait en nous par ton esprit. Glorifie-toi encore ce matin en nous, nous démontrant que ta parole est vraie, que tu es un Dieu qui connaît toutes choses à l'avance et qui a la capacité et la souveraineté pour les faire accomplir. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons encore une fois, pour la dernière fois, aller avec le roi s'en va, selon ce qui est écrit. Encore une fois, on va voir que l'accomplissement des prophéties était le point central de Matthieu pour démontrer que Jésus était bien le Christ qui devait venir. Des milliards ont rejeté Christ à cause de ce qu'il a fait, de la manière qu'il le fait. Ne croyant pas que le Messie promis de l'Ancien Testament devait faire ces choses. Mais Matthieu démontre que dans l'Ancien Testament, le Messie avait été décrit, le royaume avait été décrit, et Jésus l'a bien accompli. Jusqu'à date, nous avons vu que Jésus a été livré et il s'est livré. Les deux sont vrais. Il a été livré par Judas dans les mains des autorités juives, mais il s'est livré parce que c'est ça qu'il voulait, c'est ça qu'il désirait, c'est ça que son père avait planifié. C'était la volonté de Dieu. Maintenant, nous allons voir sa crucifixion. Lisons à partir du chapitre 27, verset 1. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple et se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, « Il n'est pas permis de mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour le sépulcre des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé « champ du sang » jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui avait été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Donc, dans ce texte, on nous raconte cette partie de l'histoire de Jésus pour le verset 9 et 10. Sans cela, je crois que Matthieu allait probablement sauter par-dessus cette étape-là. Donc, après avoir livré Jésus aux autorités, Judas, voyant qu'il avait été livré, comme j'ai dit, je pense, les autres, la semaine passée, Judas, je crois pas que Judas avait pensé qu'il serait crucifié. Mais au verset 3, disant, voyant qu'il avait été livré à Ponce Pilate par les autorités, il est pris de remords. Ou certaines, on pourrait traduire, il s'est repenti. Et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Donc, il est pris de remords, il se repent, il comprend au verset 4 qu'il a livré un innocent. Il dit, j'ai péché en livrant un innocent. Et il décide de ramener les 30 pièces d'argent dans le temple et le remettre au sacrificateur. Pour ce qui concerne la question, j'ai livré un innocent, on va le faire demain. Parce que demain, on va voir un roi juste condamné. Mais ici, arrêtons-nous sur le fait que Judas se repent. Mais ce n'est pas de la repentance qui vient de Dieu. C'est une repentance humaine, un peu comme Paul décrit. Il y a des repentances qui sont à salut, d'autres repentances qui ne sont pas à salut. Donc la repentance ici, c'est une repentance qui se sent coupable et il voit que ça allait plus loin qu'il voulait. Il comprend qu'il a livré quelqu'un qui n'était pas vraiment coupable. Il l'a fait en colère. Il le fait parce qu'il est frustré, parce que Jésus n'est pas le roi qu'il voulait. Mais il sait bien qu'il a livré un innocent. Et sa repentance ne vient pas de Dieu parce qu'elle ne se tourne pas vers Dieu. L'action qu'il fait, si c'est vraiment repenti d'une repentance qui venait de Dieu, il se serait retourné vers Dieu. Il ne serait pas allé se pendre. Il serait tourné vers Dieu dans la repentance et il aurait pu être pardonné comme tous les repentants. Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Comme il y a beaucoup de gens dans ce monde qui se repentent d'actions qu'ils ont faites et qui vont essayer de les réparer humainement parlant, et non qui vont aller jusque, comme Judas, jusqu'au suicide, si l'action était grave et importante. Les sacrificateurs répondent à Judas, on s'en fout, au verset 4, on s'en fout de ça. Nous, on a Jésus, puis on ne va pas le relâcher. On s'en fout. Ça te regarde. Ce que tu as fait, c'est ton problème. Nous, on a Jésus, puis on l'a livré à Pilate, et ça suffit. Donc, Judas se retire, et il jette l'argent dans le temple, et il va se pendre. Donc, voici un homme qui réagit de façon humaine à son péché. L'humain, quand il se sent coupable, il ne se tourne pas vers Dieu, mais essaie de faire quelque chose pour enlever ce sentiment de culpabilité-là. Il y en a qui vont pratiquer une religion pour combattre cette culpabilité-là. Certains vont essayer de faire des bonnes œuvres en échange des mauvaises qu'ils ont faites pour essayer d'enlever cette culpabilité-là. J'ai été chien envers quelqu'un, je vais essayer de faire du bien à ce quelqu'un-là ou à quelqu'un d'autre. La balance, hein? Et quand, humainement parlant, tant aussi longtemps qu'on est capable de garder la balance, ça va. Mais quand la balance tombe sur un bord ou sur l'autre, ça vaut plus. Et Judas ici, il est complètement déboussolé de l'action qu'il a faite. Sa balance tombe et il prend un moyen extrême et s'enlève la vie pour enlever ce sentiment de culpabilité-là qu'il a en lui. mauvaise façon de faire face à la culpabilité. La façon de faire face à la culpabilité, c'est d'aller vers celui qui, contre qui on a péché, et régler l'affaire. Il aurait dû aller vers Jésus, mais il n'est pas allé. Si on parle du péché, parce qu'il a dit « j'ai péché », là, c'est pas juste humain, c'est contre Dieu, j'ai péché. La seule façon d'enlever la culpabilité qui est causée par le péché, c'est d'aller vers Dieu et régler la question du péché. On ne parlera pas ce matin tout le temps d'expliquer comment régler la culpabilité du péché, mais il faut aller à Dieu pour régler cette question-là. Et Dieu a le moyen d'enlever cette culpabilité-là. Qu'est-ce qu'ils font ici, les sacrificateurs, après avoir ramassé les pièces d'argent que Judas a jetées dans le temple? Ils les ramassent. Puis ils se disent, au verset 6, « Mais c'est pas correct de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. C'est de l'argent sale. C'est de l'argent qui aurait besoin d'être blanchi, pour un terme qu'on connaît. Hein? En la mettant dans le trésor sacré, selon la compréhension des sacrificateurs et des anciens, ça ne va pas la blanchir. Donc, il dit, c'est de la mauvaise argent et on ne va pas la mettre dans le trésor sacré, dans le trésor du temple. Mon ami, ils sont-ils de travers dans leur façon de penser? Ils mentent, ils sont hypocrites, ils cherchent des faux témoins contre Jésus, ils se foutent que Judas leur dise qu'il s'est trompé, qu'il n'aurait pas dû faire ça. Ils sont de travers dans tout ce qu'ils font, mais on ne mettra pas l'argent dans le trésor sacré. Ça, c'est sacré. Le temple, c'est sacré. L'argent dans le temple, c'est sacré. L'autel est sacré. Tout est sacré, mais on peut tuer, on peut mentir, on peut être hypocrite, on peut mentir d'honnêteté, on peut faire n'importe quoi. On peut être jaloux. Mais on ne peut pas mettre l'argent dans le trésor sacré. Que c'est donc l'être humain dans sa folie? On déclare les choses sacrées, puis on maudit Dieu. On déclare les choses, certaines choses sacrées, et on renie Jésus-Christ. Les religions vont faire un paquet de choses qui est sacrées, qui ne doivent pas faire ou faire. Mais en même temps, sur l'autre côté, sont complètement amorales, ils peuvent tromper, tricher, ils peuvent tuer, ils peuvent voler, commettre l'adultère, la pédophilie, l'homosexualité, ils peuvent faire toutes sortes de choses. Et ça, c'est correct, c'est acceptable, mais il y a des choses sacrées qu'on peut pas toucher. Ça, c'est la folie du pécheur. C'est la folie du pécheur. C'est le pécheur dans sa folie extrême. Il déclare sacré, ce qui n'est pas sacré, et ce qui est sacré, il le déshonore et le rejette. Donc, qu'est-ce qu'il décide de faire avec l'argent? Au verset 7, il décide d'acheter un terrain, le champ du potier, pour la sépulture des étrangers. Donc, on va prendre cet argent-là. Il y avait un champ qui était à vendre. Probablement qu'ils le savaient, certains d'entre eux savaient qu'il y avait un champ à vendre, et on va acheter le champ du potier pour en faire un sépulcre des étrangers. Les étrangers sont pas purs, donc prendre de l'argent qui est pas pur, qui est le prix du sang, c'est pas grave. On n'achètera pas avec ça un champ pour la sépulcre d'un juif, mais d'un étranger, pas grave. Donc, on prend de l'argent sale, de l'argent qui est entaché de sang, et on ajoute un champ, le champ du potier, et on déclare que ce champ-là, ça va être pour enterrer les étrangers. On va savoir, c'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, c'est jusqu'au jour où ce que Matthieu l'a écrit, 25 ans après. Et jusqu'à ce jour, ce même chant-là a été appelé le chant du saint. Et là, au verset 9 et 10, ils disent « Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. » Si vous cherchez dans Jérémie la prophétie, on ne la trouve pas. Surtout, ce qu'on trouve de plus près à cette prophétie-là, c'est dans Zacharie. Zacharie, chapitre 11, versets 12 et 13. Pourquoi donc est-ce que Matthieu parle de Jérémie? On ne fera pas un grand débat, il y a différentes idées là-dessus, mais c'est tout simplement comment la personne qui écrit place les livres de l'Ancien Testament. On plaçait dans les psaumes beaucoup de littérature qui était qu'on appelle la littérature poétique. On pouvait mettre par les psaumes, par l'expression psaume, on rentrait dedans les psaumes, mais on pouvait rentrer aussi cantiques, des cantiques, on pouvait rentrer des livres qu'on appelle les livres poétiques. Dans la loi, on pouvait rentrer bien des livres. En ce qui concerne les prophètes, le livre ou le rouleau qu'on citait, on le citait par le premier livre du rouleau. Tu avais un rouleau qui pouvait avoir plusieurs livres dedans, et on l'appelait dans le prophète Jérémie parce que Jérémie était le premier du livre. Des fois, on pouvait l'appeler le prophète Isaïe parce que Isaïe était le premier du rouleau. Donc, dépendamment qui citait la prophétie, ici Matthieu, c'est une prophétie, il dit que c'est dans Jérémie parce que Jérémie comprend un ensemble de prophètes. C'est la meilleure explication que j'ai trouvée. Zacharie parle de cette prophétie-là. Et la prophétie disait quoi? Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. On avait estimé Jésus à 30 pièces d'argent qu'on avait donné à Judas. Ils les ont donnés, au verset 10, pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Donc, il y avait cette prophétie-là dans Zacharie. Si vous voulez aller plus loin, lisez le prophète Zacharie. Lisez les chapitres qui concernent cette prophétie-là et vous allez comprendre que l'auteur ici, Matthieu, va chercher dans Zacharie une prophétie que lui applique au Messie. Il n'est pas toujours facile de comprendre comment il choisissait les textes de l'Ancien Testament. Pour bien comprendre, il faudrait étudier ensemble l'inspiration des Écritures, comment Dieu a dirigé les profs, les écrivains, pour qu'ils choisissent les textes que lui voulait et qu'il voulait mettre dans les Écritures. Je suis toujours un peu surpris de voir comment les êtres humains peuvent être méchants, pervers, pécheurs, Judas qui est péché, Judas qui fait une fausse repentance, les sacrificateurs qui se foutent de sa repentance, les sacrificateurs qui font des décisions complètement humaines, complètement souvent pervers, mais souvent juste terre à terre, mais en même temps, ils accomplissent les prophéties faites dans l'Ancien Testament. La seule explication que j'ai, c'est que Dieu est souverain. Dieu organise, planifie les choses. Jésus est donc le vrai Messie, parce qu'encore une fois, il a accompli une prophétie de l'Ancien Testament. Notre Père du ciel, merci encore une fois que tu nous demandes que les Écritures, qui contiennent beaucoup de livres, forment un tout. Et ils représentent ta pensée, ta volonté et ton plan. Merci que tu as guidé les hommes pour les écrire, afin que nous ayons ta parole. Merci de nous avoir donné une preuve de plus ce matin, que Jésus était vraiment le Messie de l'Ancien Testament. sois glorifié pour tout ce que tu fais en nous et par nous. Amen.